Commencé en France par une chaude soirée du printemps 1960, à la fois abattue et énervée par une brusque vague de chaleur, les quelques Français qui ont un poste de télévision consomment machinalement un programme de variété. Dalida italianise un refrain sucré. Les fonfons néo-orientaux de Mustapha tentent de secouer la torpeur des téléspectateurs. C'est alors que Lynn Renault présente un petit nouveau. Il est grand, très beau, très blond. Ses longues jambes sont étroitement moulées dans du cuir noir. Soudain, il attaque dans un fracas de guitare électrique. T'aimer follement, version française du Make in Love de Floyd Robinson. Johnny Hallyday était né, musicalement s'entend. Autour de nous, les gens sont jaloux. Ils me reprochent surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux. De t'aimer et follement, mon amour. De t'aimer et follement, je te jure. Ça n'est pas gentil, mais ça m'est égal. Je me moque de ce qu'on dit, car moi je trouve que c'est normal. De t'aimer et follement, mon amour. On peut partir tous deux, partir en se moquant de ceux qui enragent en nous voyant. Les aimer et follement, mon amour. Les aimer et follement, toujours. Ah, que la vie est douce quand on est amoureux. Rien vous rend heureux, le ciel est plus bleu et tout me pousse. À t'aimer et follement, mon amour. À t'aimer et follement. Quand tu n'es pas là, je pense encore à toi, car je sais que tu reviendras, et personne au monde ne m'empêchera. De t'aimer et follement, mon amour. De t'aimer et follement, je te jure. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? Ooh. I only know there's nothing here for me. Nothing in this wide world left for me to see. But I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the roam. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me once again. Rock and Twist, la musique des 60s sur Radio Gémozo. My heart came a dream set apart. Oh, you are my love to remember. Oh, yours was the smile that made life seem worthwhile. Oh, you left me a love to remember. Just a girl down the street, they had planned we should meet. Well, fate is sometimes just a lander. Oh, you've gone on your way, I will find you someday. Oh, you are my love to remember. Sometimes just a lender. Oh, though you've gone on your way, I will find you someday. Oh, you are my love to remember. My love to remember, c'était Teddy Cochran. C'était l'un des pionniers du rock'n'roll que la France a découvert au début des années 60 grâce à Disco Revue, un journal créé par Jean-Claude Berton, un ancien bon ton qui nous a quittés depuis pour rejoindre le paradis et bien des rockeurs puisqu'il était également chanteur aussi. Adaptation contre version originale, d'ici vous retrouverez nos trois matchs. Nous évoquerons également le hit parade de juillet 1961. Et notre coin du spécialiste sera consacré à Michel Fugain. Vous avez décidé de rester en notre compagnie. Eh bien, merci de votre choix. Excellente après-midi sur Radio Gémozo. 58. Frank Tello et Daniel Filipacchi font leur début sur Europe 1 pour ceux qui aiment le jazz. La défense à Paris semble une fleur de béton, le Knit. Aux USA, l'automation bat son plein. Je suis le pornographe du phonographe. Le... Georges Brassens dévoile sa vraie nature, Boussac dévoile sa mode imprimée. Si t'as été, t'as été. Le général de Gaulle est élu président de la République. Si t'as été, t'as été. Il décide même que ce sera la 5e République. Kodak fait clic-clac. Je suis debout devant le dentiste. Je lui fais un sourire de crétin. La Calasse fait scandale en refusant de chanter à Rome. Ingmar Bergman scelle le 7e saut. Le pétrole algérien arrive pour la première fois en France. Serge Gainsbourg explore l'underground parisien. Je suis le poinçonneur des lilas. La nouvelle vague nous offre Jean-Claude Brialy, Gérard Blin et Bernadette Lafont dans le beau Serge de Claude Chabrol. Sous la terre, drôle de croisière. Et le Dalai Lama inaugure son nouveau palais. Puisque tu me tiens pour toujours au coin de ta main, comme un tout petit pantin. Je suis la source des chevaux de bois qui tournent dans la lumière. Parfois je suis sur l'Himalaya, parfois plus bas que terre. Tiens pour toujours auprès de ta main, comme un tout petit pantin. Tu m'emmènes sur les autoscooters et sur le toboggan. Mais c'est toujours toi le grand vainqueur, toujours moi le perdant. Tu me tiens pour toujours auprès de ta main, comme un tout petit pantin. Sandy Shaw, un tout petit pantin, version française, Puppet and String, Grand Prix d'Eurovision de la chanson en 1967. Justement, en cette année 67, la surprise, c'est Ronnie Bird. La surprise, c'est également le titre de la chanson que nous allons écouter. Bye. tout le monde me prend pour un fou, mais je suis pas fou. J'en ai des vues, il y en avait quatre, il y en avait un tout bleu qui jouait du casou électrique, puis les autres qui chantaient derrière comme des fous en sautant sur mon oreiller. Premier match sur Radio Gumozo, aussi pour vous le moment de faire la comparaison entre l'adaptation française et la version originale, pas toujours à l'avantage d'ailleurs de la version originale. Nous allons vérifier ça de suite avec ce premier match. L'original, c'est tout comme la version française est interprétée par Danny Boy et ses pénitents, et ça nous donne ceci. La main qui montre le ciel noir, mes yeux qui voudraient te voir, mais tu n'es pas revenu, et ce temps perdu, c'est tout comme. Le soleil, c'est pour les pauvres, pour les aider à vivre. Le moindre bruit qui me réveille, la ville ne dort pas. Sur son néon et ses enseignes, de cette joie qui se perd, c'est tout comme. Jamais. nos routes. Le temps et les gens qui passent viennent semer le doux. Après minuit, le jazz qui pleure dans la fumée des bars. L'image du dernier quart d'heure de ces fleurs qui se meurent, c'est tout comme un cœur qui ne va plus. C'est tout comme un jour sans rêve tout. C'est tout comme un monde qui me fuit. Salut les 60, la légende en musique sur Radio Guémozo. Quand tout devient silence, lorsque le jour est fini, que mes rêves commencent, alors je pense à lui, je pense à lui. Avant de dormir, je rêve à tout ce qu'il m'a dit, à tout ce qu'il va me dire, et je revois aussi combien ses yeux me regardait d'un air heureux chaque fois qu'il disait je t'aime. J'étais dans ses bras et rien ne comptait plus, non plus rien autour de moi. Nous étions tous deux seuls dans la rue. Je pense à lui et quand je m'endors dans tous mes rêves de la nuit, c'est lui que je revois. Quand la nuit s'achève, qu'à nouveau le soleil lui, je continue mon rêve en ne pensant qu'à lui. Je pense à lui. De Gaulle gouverné par ordonnance, Edgar Pisani, le ministre de l'équipement, démissionne. Jacques Chirac entre dans le gouvernement de Georges Pompidou et les Rolling Stones rentrent dans les hit-parades avec Ruby Tuesday. Situons le tout, nous sommes en avril 1967. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. lost at such a cost. sur Radio Guémozo. Aussi le moment pour nous d'évoquer le hit parade de juillet 1961. L'armée britannique débarque au Koweït. Le FLN organise à Alger une manifestation contre l'exclusion du Sahara de la future Algérie. De Gaulle annonce la réduction du service militaire quand il gagne son deuxième Tour de France malgré Charles de Gaulle. Nous sommes en juillet 1961 et dans le hit parade, on trouve à la 25e place le Roméo de Petula Clark. Tant pensera que Juliette était blonde et Roméo fou d'amour. Tant qu'on saura que notre terre est ronde et qu'on en a fait le tour, on reverra s'en aller le cortège des jolis rêves perdus. Et tourne, tournera le manège des amours défendus. Roméo, ton prénom sans si bon. Avec ta Juliette au bras, tu t'en irais sans habit ni carence, lui passer la bague au doigt. Tu oublierais tes parents insensibles, mais toi, mes pauvres de toi, pour sauver un amour impossible, tu n'avais pas le choix. CRS s'affronte à Nîmes. Brandali rentre à la 22e place du hit parade de juillet 1961 avec Dom Dom, titre qui sera repris par Danny Boy et ses pénitents. Just a little bit more, singing a dum dum, a diddly dum, ah dum dum, a diddly dum, sing it out, dum dum, a diddly dum. Come on, baby, don't you be so shy. You know that I love you. Let me tell you why. You got a heart. I know that it's true. I couldn't love you any more than I do. I'm singing, dum dum, a diddly dum. Oh yeah, dum dum, a diddly dum. One more time, dum dum, a diddly dum. Thank you.

sur toi beau. Dans mes bras, pour tout casser, en rock'n'roll. Danse, danse, danse, danse, danse avec moi. Tu as vain, ok mon amour. Tu as vain, partout à ton tour. Tu as fait tellement rond de progrès qu'il faudrait, ouais, un peu t'arrêter. Oh calme-toi bébé, sinon j'aurai trois, mon petit chat, mon petit chat. Ils sont 14e du hit parade. Trois en amour à l'instant, c'était les Chats Sauvages. Ça chauffe un peu partout en France avec les pédimies de rock qui contaminent les champs, les montagnes et surtout les plages. Les responsables de ce phénomène, eh bien, ce sont les groupes de rock français, notamment les Chaussettes Noires, qui classent en ce mois de juillet 1961 Dactylo Rock à la 11e place du hit parade. On y va pour Dactylo Rock ? Oui ! Alors attention les gars ! 1, 2, 3, 4 ! Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard. Vous savez les Dactylo Rock, elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant la tête. Vive à Pelola. Elles travaillent le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis. Les Dactylo Rock, Dactylo Rock, dans tous les bureaux de bas en haut, les dactylos tapent un gogo et leur patron leur dit go, go. Yeah, elles sont douces et très jolies, ce sont les plus belles filles de Paris. Les dactylos rap, pour faire leur bouquet, les directeurs partent dans la tête. Elles valent bien ça, elles valent bien ça. Après les Chats Sauvages et les Chaussettes Noires, mais il n'y a pas que les groupes de rock qui sont les seuls à mettre le pays en transe. Johnny Hallyday, au cours de sa tournée d'été, enflamme les salles de concert avec, à New Orleans, une musique torride qu'il a piquée à Gary Weisbourne. Succès assuré, puisque à New Orleans rentre en ce mois de juillet 1961 à la 6e place du hit parade. New Orleans, hey, hey, hey, hey. Pèlerinage au pays. Yeah! Au pays du Mississippi ou le Casnapi. En vieillissant, chanter, vous serez éblouis, mes amis. Éblouis par ces musiques folles qui claquent jour et nuit. Trottoir des groupes d'enfants noirs, j'aurai des dix bien lorsque des grands le soir. New Orleans, hey, hey, hey, hey, hey. Je veux aller, tous là-bas, l'amour pousse un peu comme les fleurs. Au cœur de cette moustache, j'ai commis les une couleur. Dans chaque église, vous entendrez les négros spirituels. Étrange de rock'n'roll. Vous verrez aussi mes amis que près de Basin Street. Comment on fait une jam en dégustant les fruits? New Orleans, hey, hey, hey, hey. New Orleans, hey, hey, hey, hey. Je veux aller, yeah, yeah. Venez tous, suivez-moi, vous verrez les boîtes de nuit. Les quatre jadis, les grands noms du jazz sont sortis. Si vous tombez le jour du carnaval, vous verrez aussi. Hey, défilez dans les rues, les filles du sud, si jolies. Venez là-bas, on ne se sent pas perdu car je sais. Oui, je sais que là-bas, il y a beaucoup de Français. Yeah. Yeah. avec Gérard. C'est roquement bon. C'était les Yardbirds pour l'année 1966. Tom Simpson, le coureur britannique, tombe foudroyé dans l'ascension du Mont Ventoux. Roger Pinjon gagne le Tour de France. En ce mois de juillet 67, son enfance qui lui est restée en travers de la gorge, Nicoletta, de son vrai nom Nicole Grisoni, est capable de chanter du blues, du rock ou de la chanson réaliste. Fan d'Edith Piaf, ami de Richards, qui adaptera et inscrira à son répertoire le tube de Nicoletta, Il est mort le soleil. Il est mort l'été. L'amour et le soleil séparés. Il est mort le soleil. Mais je suis la seule à porter le deuil. Et le jour ne franchit plus mon seuil. Hier, on dormait sur le sable chaud. Hier, pour moi, il faisait beau. Il faisait beau même. Et mon âme s'habille de gris. Hier, la couleur que j'aimais le mieux, c'était la couleur de tes yeux. Il est mort l'été. L'amour et le soleil Vous pouvez nous écrire à Radio Guimauzo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. She don't care. Cette try, c'était les Beatles, c'était la version originale. L'adaptation française, Prends un ticket avec moi, est interprétée par Dick Rivers et ça donne ceci. Prodigue de la chanson. Jocelyne a 12 ans et demi lorsque sort en février 64 son premier 45 tours. À la rentrée en septembre 64 sort son deuxième 45 tours sur lequel figure notamment le dimanche et le jeudi. Puis elle passe à l'Olympia. La petite fille qui vit un véritable conte de fées annonce qu'elle veut conquérir l'Amérique. Pauvre petite Jocelyne qui aura du mal à muer, grossira et retournera sous les bancs de l'école à 16 ans. Tous ses projets d'adolescente évanouis au début des années 70, alors qu'elle amorçait un comeback, elle décède dans un accident de voiture. Le dimanche et le jeudi sont mes deux jours favoris. Les écoliers de pouvoir en profiter. Tous les parents nous envient. Ils voudraient bien dans la vie avoir comme nous chaque semaine un dimanche et un jeudi. Quand le dimanche est fini, on est à trois jours et jeudi. années 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Guémozo. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Pas ce soir, tombe la neige, tout est blanc de désespoir, triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Viendra pas ce soir, me crie mon désespoir. Titres les plus connus d'Adamo. Au début des années 60, plusieurs groupes amicalement, cela va sans dire, vont essayer de briser la suprématie exercée par les Beatles et les Rolling Stones. En matière de rock et de rhythm and blues, beaucoup échoueront. Mais quelques-uns réussiront, parmi eux un groupe de Newcastle, les Animals d'Eric Burdon, dont la voix n'est pas sans faire penser à celle de Ray Charles. Les membres du groupe sont tous des passionnés de blues, de rhythm and blues et de rock and roll, c'est-à-dire des fans de John Lee Hooker, Muddy Waters, Jimmy Reed, Bob Dylan et de Chuck Berry. Et pour confirmer ce que je viens de vous dire, je vous propose d'écouter le Dying Pulse de John Lee Hooker par les Animals. I love the way you talk, when you talk that talk. américaines sont pour la première fois engagées dans le delta du Mékong. Pompidou forme son gouvernement. Les premières communautés de hippies apparaissent en Californie. Nous sommes en janvier 1966 et Comme je suis, le nouveau titre de Noël Deschamps, fait son apparition dans les hit-parades de l'époque. Quelques instants, Michel Fugain sera l'invité de notre coin du spécialiste. Juste le temps pour nous de danser le Holy Golly en compagnie de Sheila. Michel Fugain est né le 12 mai 1942 à Grenoble. Ce fils de médecin grenoblois décide au début des années 60 de monter à Paris. Son but, faire du cinéma. Il devient assistant d'Yves Robert, la musique d'alors ne l'attirant pas du tout. Pourtant, en 1967, il se tourne vers la composition musicale. Le succès arrive quand il chante « Je n'aurai pas le temps ». À partir de là, il suit son chemin, selon ses envies, toujours gentil, mais toujours dans l'air du temps. Il crée le Big Bazar, une communauté de jeunes qui chantent et dansent. De nombreux succès d'ailleurs sont d'ailleurs à mettre à leur actif, fait comme l'oiseau, une belle histoire, c'est la fête. Mais le groupe devient de plus en plus difficile à gérer. Et en 1977, c'est la fin de l'expérience. Michel Fugain va successivement monter un spectacle, créer une école, l'atelier Fugain, produire des émissions de télévision. Michel Fugain réussit tout ce qu'il touche. Un sentiment de ras-le-bol va toutefois lui faire prendre la distance avec le métier. Ce n'est qu'en 1988 qu'il revient à la chanson avec Viva la Vida. Et depuis, il sort régulièrement des albums. D'ailleurs, entre Michel Fugain et ses fans, c'est toujours une belle histoire. Je vous propose cet après-midi de voyager dans la discographie de Michel Fugain. Je reviens, je ramènerai un grand lit du Japon. changer un peu de la moisson. Je deviendrai un marin d'occasion. Et si je reviens, l'appel, si je reviens, c'est parce que la chance m'aura tendu la main. Et si je reviens, l'appel, si je reviens, c'est que le bout du monde n'est pas si loin. Sur un bateau emprunté quelque part, je voguerai nuit et jour au hasard. Et si je reviens, l'appel, si je reviens, c'est que j'aurai su retrouver mon chemin. Et si je reviens, l'appel, si je reviens, oui, on pourra dire que je reviens de loin. Et si je reviens, l'appel, si je reviens, c'est que j'aurai su retrouver mon chemin. Salut les 60, le plein de nostalgie sur Radio Guémozo. Chaque matin comme avant, mais je n'entends plus sa chanson à quatre mains. Elle fait comme si son mari vivait encore. Hier je l'ai vu soigner les fleurs de son jardin. Daisy n'a pas touché au grand fauteuil ni au tabac qui sont à leur place près de la cheminée. Un chapeau d'homme, un blouson sont pendus dans l'entrée et la poussière les recouvre peu à peu. Daisy m'a dit bonjour tout en ouvrant ses volets, souriant comme si rien n'avait changé. Daisy met le couvert

pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Même en 100 ans, je n'aurais pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur. J'aime de tous mes yeux ce trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. On doit aimer quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Radio Gémozo, les chansons que vous aimez sont forcément au rendez-vous. Yeah. Say Mama. Il revient, la version française, opposée à l'original pour ce troisième et dernier match, est interprétée par Sylvie Vartan. Les Chaussettes Noires l'ont également enregistrée avec plus de bonheur, mais la version de Sylvie Vartan, ça nous donne ceci sur Radio Gamozo. Il revient l'air de mes souvenirs, il me tient, il me fait souffrir. Il revient pour me parler de toi, il se plaint, n'entends-tu pas sa voix? Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Il revient, il dit que j'ai eu tort, il me tient un peu comme un roman. Cet air obsédant à tout jamais nous lie, il se plaint, le voilà qui supplie. Waouh, waouh, waouh, waouh. Enfin, pourquoi m'as-tu quitté? Il se plaint sur un air de regret. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Il revient l'air de mes souvenirs. Edgène Vincent ou Sylvie Vartan, en tout cas, quel que soit votre choix, Sylvie Vartan, en rockeuse en 1963, ça valait son pesant d'or. Il est né le 24 juillet 1946, le timide et gentil Hervé Villard a eu une vie épouvantable. Abandonné par sa mère, il a connu l'assistance publique et les placements d'office chez de nombreux fermiers qui le briment et le font souffrir physiquement et moralement. En 1965, Hervé Villard nous propose un titre évocateur, « Fais la rire ». Puisque ton cœur a su l'enlever à mon cœur, que malgré mon amour, le tien n'avait pas peur. Tâche donc maintenant, à force de l'aimer, d'effacer de sa vie tout le mal que j'ai fait. Fais-la rire, fais-la rire. Fais-la rire, fais-la rire. De joie, fais-la chanter. Non, tout n'est pas perdu puisque tu viens ce soir. Puisqu'elle prend ta main, c'est qu'il n'est pas trop tard. L'amour est un soleil qui ne peut pas mourir. Je la tenais dans l'ombre, à toi de l'en sortir. Fais-la rire, fais-la rire, fais-la rire. Pour elle, tout peut recommencer. Fais-la rire, fais-la rire, fais-la rire. De joie, fais-la chanter. Fais-la rire. Fais-la rire, fais-la rire. Pour elle, tout peut recommencer. Fais-la rire, fais-la rire, fais-la rire. De joie, fais-la chanter. Voici votre chemin, fuyez ce carrefour.

Tchalala, c'était en 1964 que Manfred Mann a repris le tube Déchirel. Pour se rapprocher de ses heures, nous aurons Daniel Denain et Richard Anthony, les mains dans les poches. Les mains dans les poches, en sifflant une chanson. Le sourire aux lèvres et mon chien sur mes talons. Mes peines et mes joies, les mains dans les poches, je lui siffle ma chanson. On peut dire ce que l'on veut, les femmes peuvent nous rendre heureux, mais elles nous créent tant d'ennuis. Seul le chien est vraiment notre ami. Les mains dans les poches, je m'en vais sur les chemins, seul dans la campagne, compagnie de mon chien. Qu'il pleuve ou qu'il frappe, le ciel paraît tout bleu. Que tournent les saisons, tant pis ou bien tant mieux. Les mains dans les poches, je vais comme un vagabond. Notre ami. Les mains dans les poches, en citant une chanson. Le sourire aux lèvres et mon chien sur mes talons. Il ne peut rien dire, mais il sait tout de moi. Mes soucis, mes ennuis, mes peines et mes joies. Les mains dans les poches, je lui siffle ma chanson. Salut les 60, souvenirs, souvenirs sur Radio Guémozo. Thank you.